Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Guémozo, bienvenue dans Salut les 60. Décrié par les uns, adoré par les autres, le rock'n'roll, un son venu des USA, c'est d'ailleurs avec le King, le roi du rock, Elvis Presley, I Got a Woman, que nous débuterons cette émission. Merci de nous être fidèles, excellent après-midi sur Radio Guémozo. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, yeah. She's getting on with her and me. Yeah, she's the kind of a friend in me. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. She says in loving early in the morning just for me. Oh, oh, yeah. She says in loving early in the morning just for me. She's a good to me. Oh, oh, yeah. She's there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows a woman's place. Right there, I got a woman. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman. Way across town. She's a good to me. Oh, yeah. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. But don't you know she's all right. She's all right, she's all right. I got a woman way over town. Good to me. Happening when you walk by. Something is happening and it's changing everything. Do you know why? Soon as you started to kiss me, something new suddenly hit me. The world over, it's always happening, the same sort of thing to others too. Something is happening to me, and I only hope the same thing is happening to you. Something is happening, exciting, bewildering, you must know why. Something is happening, I can't think of anything but you and I. What begins? Same thing is happening to you.

1957. À Little Rock, en Arkansas, aux USA, des émeutes marquent l'intégration des élèves noirs dans les collèges. Autre sud, celui de l'esclave libre avec Clark Gable et Yvonne DeCarlo. Jerry Lee Lewis sort son premier disque et Régnier, grâce de Monaco, annonce la naissance de Caroline. George Cukor annonce, lui, la naissance des Girls. La France souffre d'une canicule inhabituelle qui fait le bonheur des marchands de glace. Philippe Clay profite de la vie. Albert Camus est prix Nobel de littérature. Gina Lollobrigida donne naissance à un garçon. Marjolaine, voici jolie. Alphonse Halimi est champion du monde poids coq. Le printemps fleurit. Les films deviennent fantastiques. J'étais soldat. Et au magie, le bœuf devient cannibale. De toi. Dis monsieur. Eddie Constantine chante en duo avec sa fille, Tania. Les soviétiques lancent le premier brise-glace atomique. Stanley Kubrick nous emmène sur les sentiers de la gloire. Et le rein artificiel permet tous les espoirs. Extrait de l'album Les Rocks les plus terribles du Chuck Berry à la sauce Hallyday. Né en 1947 à Paris, France Gall a un style qui va tout de suite plaire aux amateurs de petites filles. Elle a 15 ans lorsqu'elle commence à chanter et un nom qui plaît aux fanatiques de rugby. En 1964, Papa Gall lui taille un super succès du sur-mesure avec Sacré Charlemagne. Cette idée folle, un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon leçons de français, de mathématiques, que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8. Leçon de français, leçon de français. De mathématiques, de mathématiques. Que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Surveilleur 2 se pose sur la Lune, prend des photos en couleur, puis redécolle. Nous sommes en novembre 1967 et pour Dick Rivers, 5h sonne. Cinq heures sonne, tu sais, le ciel aux couleurs du matin. Et la place où l'église dormait s'éveille, c'est déjà demain. J'étais venu te demander un abri, a-t-il pour cette nuit. Tu m'as rendu le goût de la vie, je ne l'oublierai jamais. 5 heures sonnent, le jour va se lever. 5 heures sonnent, il faut se quitter. 5 heures sonnent, pour moi tout a changé. N'aie pas peur, ce soir je reviendrai. Sans toi, je serai loin, je voulais m'enfuir d'ici. À n'importe quel prix, je cherchais la violence ou le bruit. Mais près de toi, cette nuit, j'ai compris, commence une nouvelle vie. Fini les bagarres, les vieilles histoires, cette fois tu peux me croire. 5 heures sonne, le jour va se lever. 5 heures sonne, il faut se quitter. 5 heures sonne, pour moi tout a changé. Pour toujours ce soir je reviendrai. 5 heures sonne, le jour va se lever. 5 heures sonne, il faut se quitter. 5 heures sonne, pour moi tout a changé. Pour toujours ce soir je reviendrai. En France, c'est la somme que chaque propriétaire de téléviseur doit verser au titre de la redevance télé en cette année 66. Synodal Luca lance Télépoche et pour tout savoir sur les dernières aventures de Thierry Lafronde, il vous en coûtera 0,60 €. Tandis que vous feuilletez le nouveau Télépoche, eh bien Still I'm Sai, le nouveau titre des Yardbirds, fait fureur sur les ondes des radios périphériques. Oh, myself, my tears just fall into dust. Day will dry them, night will find they are lost. Now I find the wind is blowing time into my heart. Let the rain fall, for we are apart. How I'm sad. How I'm sad. Salut les 60, des souvenirs plein la tête sur Radio Gamozo. La jolie fille du facteur de Pertuis. Sur Radio Gamozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord, la version française avec les Lionceaux. Ils sont quatre à chanter. Et l'autre

c'est de ne pas m'oublier. Pendant les vacances, pendant les vacances. Jacques Demy présente son film La Baie des Anges. Joseph Kessel publie Tous n'étaient pas des anges et François Hardy classe Qui aime-t-il vraiment, son nouveau titre à la 20e place du hit parade d'août 1963. Afin de lui plaire, moi je fais tout ce qu'il demande. Oui, pour lui plaire, j'obéis quand il commande. Mais je l'ai vu l'autre nuit embrasser une de mes amies qui vient de s'expliquer. Est-ce donc à moi qu'il ment? Est-ce à elle qu'il dit vrai? Laquelle aime-t-il vraiment? Qu'il choisisse entre elle et moi une bonne fois. Savoir à qui il ment, qui il aime vraiment. Oui, savoir à présent. La veille pourtant, il me jurait son amour en me promettant les plus merveilleux des jours. Si tout cela était vrai, qu'il vienne vite m'expliquer à quoi il veut jouer. Est-ce donc à moi qu'il ment? Est-ce à elle qu'il dit vrai? Laquelle aime-t-il vraiment? Qu'il choisisse entre elle et moi une bonne fois. Wow, savoir à qui il ment, qui aime-t-il vraiment? Savoir à qui il ment, qui aime-t-il vraiment? Fil, fil, fil, le dixième du hit parade d'août 1963, et pendant que Frank Alamo file vers le sommet des hit parades, l'américain Greg Breedlove file à bord de la Spirit of America à 653 km 700 à l'heure, établissant ainsi le nouveau record du monde de vitesse sur Terre. Qui va vers toi. Elle file, file, file, file cette route-là. Plus elle file, file, file, file, et plus je suis fou de joie. Car je sais bien qu'au bout de cette route, tu te jetteras dans mes bras. Aiguille marque de sans compte, tiens bon mon moteur. Car il y a urgence dans mon cœur, je fais la course au bonheur. Je fais la course bonheur. Tu défiles, file, file, file, là dans mon rétroviseur. Les grandes villes, villes, villes, villes, les bois, les champs et les fleurs. Je ne viens pas t'enlever sur mon cheval comme un Roméo. Moi je viens sur une machine infernale, un cabriolet 300 chevaux. Un cabriolet 300 chevaux. Et je file, file, file, file, t'offrir de t'aimer toujours. Oui, je file, file, file, file, sur la route de l'amour. Sur la route de l'amour. Sur la route de l'amour. Votre radio, Télé Branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît.

cinquième avec Comme une ombre sur moi, mais également premier avec Dadou Run Run. Tandis que la blonde Sylvie Vartan classe Watching You à la deuxième place du hit parade d'août 1963. Des bandits interceptent le train postal Glasgow-Londres. Le hold-up du siècle rapporte à leurs auteurs 3,5 milliards de francs. Watching you to see what you're doing without me now that you've been gone. I'm watching you, watching every girl as you give them all the air to dance another song. Yeah, I'm watching every move you make and every step you take, every heart you break. Yeah, everything, every word you sigh, it's every time I die and every time I try. She loved me, me best of all. my woman. All in all, she's my lover and she's my boss. I roll around, I have a lot of fun. She always whispers to me softly, said, "Bo Diddley, you the one." Oh yeah, oh yeah, oh yeah, sure enough, I hold her in my arms and I kiss her real gentle. She said, "My, I'm feeling real real. Take it easy, baby. Your temperature running hot. You gonna start those after me, wondering, oh baby, what you got? You my ball, you my rubber ball. Whoa yeah, whoa yeah, whoa yeah. Up the telephone and called a poet home. He said, "Hey little boy, you better let my daughter alone." I says, "Oh yeah." He says, "Oh yeah." I says, "Mm-hmm." He says, "You know, yeah, her mother got mad and started to jump and shout. They started to run down there and have the cops to carry me out." I says, "Oh yeah." She said, "Mm-hmm." I says, "Oh yeah." My papa said, "Sure enough." I said, "But I love her. I love her. I love her. I love her." Il est né le 28 décembre 1928 dans l'état du Mississippi. Bo Diddley, wow, yeah! Le 5 août 1962, on apprend le décès de l'actrice américaine Marilyn Monroe. Tandis que Sheila, le nouveau titre de Tommy Rowe, fait un tabac sous les ondes des radios périphériques avant de devenir le nom de scène d'une jeune chanteuse, Annie Chancel. Durant l'été 63, alors que Clo-Clo est en tournée avec Sylvie Vartan, que Sheila tourne son premier film et que Johnny Hallyday fête ses 20 ans, Enrico Macias fait ses galas en compagnie de Billy Bridge. À l'automne de cette année 63, avec l'île du Rhône, Enrico Macias chante La Camargue. Malheureusement pour lui, les gardiens préférant la paella au couscous, eh bien le disque n'aura pas le succès escompté. On s'en allait chassé par le cyclone, et sur la route on nous avait jeté. Mais quand on fut près de l'île du Rhône, on a compris qu'on était arrivé, on a compris qu'on était arrivé. L'île du Rhône semblait nous attendre, l'île sauvage d'où salons oubliés. On a percé sa glace humide et tendre pour y planter nos tentes et nos pommiers, pour y planter nos tentes et nos pommiers. Que c'était bon d'arracher les poussailles, nos mains faisaient reculer la forêt. Quand notre terre nous ouvrait ses entrailles, que c'était bon d'y planter nos pommiers, que c'était bon d'y planter nos pommiers. Êtes-vous fous, nous disait le village, connaissez-vous le Rhône de chez nous? L'avez-vous vu quand il est par l'orage, gros de la Saône et qu'il pleut sur le Ventoux? L'avez-vous vu dans ses grandes colères, plus dangereux qu'un archange brutal? Tous les cent ans, la chose est légendaire, qu'à tout sa foi, il nous fait bien du mal. On a gardé les âmes à nos barques, car si le Rhône nous donne encore 20 ans, chaque matin, chaque heure est un miracle. Le sirocco n'en laissez pas autant, le sirocco n'en laissez pas autant. Regardez-la, c'est notre île cantique, c'est un poème, un bouquet de couleurs. C'est notre terre et c'est notre Amérique, l'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs, l'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. Car tous ces jours où l'on courbait les chines pour préparer le sol de nos pommiers, on avait tant, tant besoin de racines, que c'est aussi nos vies qu'on a plantées, que c'est aussi nos vies qu'on a plantées. Ray Charles prend la route et le métro parisien se dote d'un nouveau système de surveillance, la télésurveillance. La nuit du loup-garou fait trembler les foules. Les généraux Charles, Salanjou et Zeller font trembler la France lors du putsch à Alger. Figure mythique d'Hollywood, Gary Cooper disparaît. Et la sulfureuse Jaguar Tipe apparaît. Rudolf Nureyev, danseur vedette du Bolchoï, les ballets russes, demande asile politique à la France qui le lui accorde illico presto. Montre qu'en plume, plume des oiseaux, des animaux. Les produits à laver de plus en plus blancs et propres se déchaînent. Les jeunes aussi qui cassent régulièrement les salles de spectacle où se donnent des concerts de rock. Rythme le twist, ouais, donne-moi la main là, et tu t'y prends bien. Le robot mari de Moulinex n'en peut plus de libérer la femme. Les Américains tentent en vain de libérer les Cubains en débarquant baie des cochons. Warren Beatty et Natalie Wood, sous la direction d'Elia Kazan, ont la fièvre dans le sang. Nous les referons en

She's the woman that loves me so sad. Bebop and doula, she's my baby. Bebop and doula, I don't believe it. Bebop and doula, she's my baby. Oh, my baby, oh, my baby, oh. Got that beat. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells a mom, mom, mom, saying Bebop-a-doodle, she's my baby. Bebop-a-doodle, I don't believe it. Bebop-a-doodle, she's my baby. Oh, my baby, oh, my baby, oh. Avec Gérard, c'est rockement bon. De way à l'instant, c'était les Rolling Stones. Retour à l'année 1968. Le mois de mai pour les étudiants, c'était le temps des pavés. Pour Dalida, par contre, c'était le temps des fleurs. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre. bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. En 1966, l'épervier d'Hugues Auffray vole sur les ondes des radios périphériques et le film La Religieuse est interdit dans les salles obscures. L'épervier, il faut le dire, est petit mais bien voleur. L'épervier, il faut le dire, est le pire des moteurs. Quand il monte dans le ciel, prenez garde, demoiselle.

better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. C'est en 1956 que Claude François débarque en France en provenance d'Ismaïlia, un petit village d'Égypte proche d'Alexandrie où il est né le 1er février 1939. Début 1962, il signe un contrat avec la marque Philips. Fin 62, il enregistre Belle Belle Belle, reprise du Made de Toulouse des Everly Brothers, et immédiatement c'est le succès. On entend partout Belle Belle Belle qui est chouchou à Salut les copains sur Europe numéro 1. Ça sera son premier tube, le premier d'une longue série, jusqu'au jour où Claude François, grand maniaque, qui ne pouvait supporter un tiroir ouvert, un cendrier plein ou une ampoule électrique mal vissée, une manie qui lui sera fatale le 11 mars 1978. Les années 60 de Claude François sont à la variété de rythmes ce que Johnny Hallyday est au rock'n'roll français. Un style que l'on ne peut pas aimer, mais dont on ne peut contester le professionnalisme. C'était cela le talent de Claude François. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche, toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme moi, pauvre petite fille riche. Seule sur cette plage, pauvre petite fille riche, toute seule, aussi seule, pauvre petite fille riche. Tes parents croyaient qu'on s'amusait, ils n'ont pas voulu croire qu'on s'aimait, pauvre petite fille riche. Ce soir on s'est revu pour la dernière fois. Ce soir on s'est aimé pour la dernière fois. Ah, il aurait mieux valu ne jamais se rencontrer, car maintenant il va falloir oublier. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche, toute seule, aussi seule, pauvre petite fille riche. Toute

amis et Twist, le son rock'n'roll, c'est votre rendez-vous avec Gérard. To myself, sweet nothing. Special look, sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Brenda Lee, suite. Hypnosing. La version française de ce titre de Brenda Lee, on la retrouve dans le répertoire de Johnny Hallyday et ça donne ceci. Ah, money. Chérie, si tu voulais rentrer tes griffes, ce serait bien. Et quitter ton air agressif, ce serait bien. Si tu décidais à m'embrasser, y'aurait du feu et de l'amour dans tes yeux, ce serait bien. Ce serait bien. Si tu donnais ton téléphone, ce serait bien. Ma vie serait ma monotone, ce serait bien. Le jour et la nuit en prenant l'écoute, tu entendrais les battements de mon cœur. Ce serait bien. Ce serait bien. C'était bien. Dans un cinéma des boulevards, c'était bien. Oh mais je t'en prie la prochaine fois chérie, ah si tu venais sans ta mère avec toi, ce serait bien. Ce serait bien. Ça serait bien. Johnny Hallyday ou Brenda Lee, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Elvis Presley, les champions et les Kings sur Radio Gimozo, la légende s'écoute toujours en version originale. A very old friend came by today, cause he was telling everyone in town of the love that he just found and Marie's a name of his latest flame. He talked and talked and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's a name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. 158. Franck Thiénot et Daniel Filipacchi font leur début sur Europe 1 pour ceux qui aiment le jazz. La Défense à Paris sort d'une fleur de béton, le CNIT. Aux USA, l'automation bat son plein. Je suis

set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Les Kings, You Really Got Me. Merci de votre fidélité sur Radio Gemozo. C'est Gérard. Excellent après-midi. Les Parisiennes, il va falloir se mettre au régime. Et oui les filles, les vacances n'ont jamais été aussi proches. Il est grand temps, croyez-moi, d'éliminer ce superflu emmagasiné au cours de cet hiver. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 15h pour entamer un traitement de choc. Quant à vous messieurs, bien rien ne vous empêche de vous joindre à nous. Cela ne peut que vous faire du bien. D'ailleurs, je me joindrai à vous. Il me semble que j'en ai également bien besoin. Salut les 60, excellente semaine sur Radio Gemozo. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous pouvez nous contacter ou nous écouter sur radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Voilà, c'est notre adresse internet. We'll be right back.